Quand tu parles, parle fort, mon frère. Parle fort. Parle fort. Prions et demandons au Seigneur. Oui. De nous rendre bruyants pour sa parole. Donc, on comprend, on demande au Seigneur de nous rendre bruyants pour sa parole. C'est ça. Comment tu peux dire qu'on rendra bruyants en parlant doucement? Comment? Allons-y, prions, prions. Que Dieu nous rende toujours bouillants à sa parole. Demande pour toi que Dieu te rende bouillant à sa parole, que tu ne sois pas un auditeur oublié, mais celui qui se met à l'œuvre, qui vit sa parole et la met en pratique. Prie, prie, prie, prie, prie. Père, tu pries pour tes enfants dans le monde entier. Tu m'as dit de prêcher ta parole, tu habiteras dans le cœur. Je prie au Dieu de gloire que cette parole que tu mets toi dans le cœur, que cette parole, ces paroles prennent vie en eux et ne les laisse pas oisifs, Père de gloire. Qu'ils ne soient pas entraînés par les trains de ce monde, qu'ils ne soient pas entraînés par les choses de ce monde, les désirs, les plaisirs de ce monde, mais qu'ils se laissent mouler par ta parole afin qu'ils vivent, au Dieu de gloire, d'après cette parole. Je prie pour mes bien-aimés, Père de gloire, qui nous écoutent de par le monde, pour tous ceux qui sont connectés maintenant, Père. Je prie pour chacun de pour toutes leurs familles, pour tous ces autres dieux de gloire qui se refroidissent. Je prie, Père, que toi-même tu réanimes la flamme dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père de gloire, que tu veilles sur chacun d'eux, sur leurs familles. Et ô Père, que tu leur donnes le zèle, ce zèle, ô Dieu de gloire, de ton nom, la folie de croire en toi et de tenir ferme pour ta parole. En quelque lieu que ce soit, Seigneur, qu'il ne te déshonore pas, mais qu'il soit, ô Dieu de gloire, comme les premiers apôtres, prêts à te défendre et à tenir ferme dans la vérité. Je prie au Dieu de gloire que Dieu transforme nos vies. Que Dieu transforme nos vies au Dieu de gloire afin que dans ce monde perverti, dans ce monde de corruption que nous vivions dans la sainteté, dans ce monde pourri, Père de gloire, que nous vivions au Dieu de gloire dans la droiture, dans l'intégrité et dans la fidélité à toi. Donne-nous de vivre d'après ces paroles. Donne-nous au Dieu que nous ne prêchons pas une chose et vivons une autre chose. Que notre vie soit à la lumière de ta parole. Je prie au Dieu que tu nous donnes, ô Dieu, de marcher droitement d'après ta parole comme les saints apôtres l'ont fait. Que nous enlevions, ô Dieu, les raisonnements de nos vies. Et ô Dieu de gloire, que nous laissions ta parole pénétrer nos âmes. Car ta parole déclare qu'on obéisse à cette parole, car elle peut sauver nos âmes. Donne-nous, ô Dieu, d'assimiler ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous qui êtes, je veux que vous ayez une pensée pour tous ceux-là, des chrétiens qui souffrent dans le monde entier, particulièrement dans les pays arabes, et pour tous les sœurs et frères qui ont des difficultés. Prions et supplions le Seigneur de rencontrer chaque personne, chaque chrétien, mais dans quelque lieu que ce soit, nous n'avons pas besoin de les connaître. Tous ceux-là qui sont dans les difficultés, dans les blocages quelconques, dans les besoins quelconques, que Dieu les rencontre dans leurs besoins. Prions, prions, prions, en quelque lieu que ce soit, particulièrement dans les pays arabes. Ceux qui sont dans les pays arabes sont les plus touchés, les plus touchés, les plus touchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu exauces à nos prières. Tu exauces à nos prières. Seigneur, tes enfants t'invoquent. D'autres pleurent actuellement alors qu'ils m'écoutent maintenant. D'autres qui ne m'écoutent même pas, Père de gloire, te supplient et veulent seulement écouter ta voix. D'autres désirent ta présence. D'autres veulent, oh Dieu, vouloir expérimenter ta gloire. Seigneur, nous supplions. Nous t'en supplions, Père de gloire, de venir, oh Dieu de gloire, à la rencontre de tous tes enfants dans le monde entier, ceux particulièrement du pays arabe, des pays arabes qui exigent, oh Dieu de gloire, qui exigent, oh Dieu de gloire, ta foi. Et d'autres qui cachent même, Père, des faits d'être coupés, dont la tête doit être coupée. Pour tous ceux-là qui sont sous le coup de la persécution, ton nom est béni en ton nom. Nous prions pour ceux qui sont dans les besoins, pour ceux qui ont besoin des enfants, Père, pour ceux qui sont dans des propres blocages, Seigneur, nous t'en supplions. Daigne les rencontrer, oh Dieu, parce que nous savons que c'est les mêmes souffrances qui nous sont imposées, qui les sont imposées également dans le monde entier. C'est pour ça, oh Dieu, nous venons, oh Dieu, dans l'intercession, afin que tu les rencontres dans leur chemin. Pour tous ceux dont là, qui avaient des blocages en quelque lieu que ce soit, nous prions, oh Dieu de gloire, que tu frappes de ton dessus et tu épées la tête de Léviathan qui s'est dressée contre eux. Et que tu disperses, oh Dieu de gloire, leur ennemi au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Disperse leur ennemi au devant d'eux. Pour ma soeur et mon frère qui m'écoutent maintenant, Père de gloire, disperse leurs ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute montagne qui se tenait contre la montagne, comme la montagne des Zorobabel, Père, que tu les anéantisses maintenant et les aplanisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire marche au devant de tes enfants. Que ta gloire marche au devant de tes enfants et qu'ils chantent encore ces cantiques de racheté. Qu'ils chantent ces cantiques de racheté par la joie qui vient de leur cœur, Père de gloire. Ce cantique merveilleux que tu leur as donné lorsqu'on les délivré, Père de gloire, par ta puissance. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Parce que tu nous exauces toujours. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la grâce de notre Dieu et Père, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient multipliés. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, les saints du Seigneur. Veuillez vous asseoir en vous saluant les uns les autres. Vous pouvez ouvrir vos micros, vous tous là, et saluer vos frères, les uns les autres. Ouvrez vos micros et saluez. Frère Daouda de Maryland, que Dieu te bénisse. Bien, bonne arrivée. Merci, bonne soirée. Bonne, parle en anglais, ça ne te dépasse. Si ça te dépasse, déjà parle en anglais. On comprend que tu es aux États-Unis. Salut au nom de Jésus. Oui. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Bonsoir à ton épouse. Bonsoir à ton épouse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à la sœur Christiane. Bonsoir à la sœur Christiane, à ses enfants. Et bonsoir à, au couple Trabi du côté de la Belgique. Bonsoir les frères bien-aimés. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir la sœur Marie-France, Sophie de la France. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bonsoir à la sœur Camille, dont le mari est allé intercéder. Bonsoir à toute la famille chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au frère Joben du côté de Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au frère Jean-Paul du côté de l'Allemagne. Frère Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère Junior. La sœur Flavie, elle est où aujourd'hui? Elle est ici à côté. Me voici. Hey, depuis on ne t'entend même pas. Donc tu es là, tu entends seulement depuis. Je suis à côté, j'entends. Ok, que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Amen. Bonsoir à la sœur Carole, ma sœur Carole Gaha d'abord, puis la sœur Carole d'Allemagne que j'aime beaucoup. Bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, oui. Tu sais combien de Carole qui précise Carole d'Allemagne. La sœur Carole du Canada, bonsoir. soit béni. Amen. Nous allons commencer. Je crois que ceux qui ont des enfants, surtout prioritairement, vous allez fermer vos micros parce que les enfants sont spontanément dérangeants. Voilà, merci la soeur Christiane, merci la soeur Carole, merci pour avoir fermé le micro. Voilà. Et vous autres qui avez les micros ouverts, vous pouvez participer avec nous. J'espère que votre téléphone ne va pas sonner pour déranger. Et le frère Joven du Maroc, très souvent on vient toquer à la police. C'est pas si c'est la police qui va arrêter les noirs là-bas de ce côté-là, souvent. Non, ce sont les travaux qui se font en haut là-bas. Ok, ok. Notre étage. Que notre Seigneur vous bénisse donc. Amen. On va commencer. Amen. On va commencer. Ça dépend de vous maintenant. La durée dépendra de vous. Je vais d'abord demander si vous avez des préoccupations là-bas, si vous avez des questions à poser avant qu'ils ne posent au milieu de l'assemblée ici, si elles ont des questions. La seule carotte, ton micro n'est pas fermé, justement l'enfant a de parler. La seule carotte vient du Canada. Quelqu'un a-t-il des questions là-bas? Ici? Oui, ah, oui, vous qui êtes connecté, avez-vous des questions? Oui, frère Junior. Oui. J'ai quelques questions relatives au rêve. Oui. Donc, ça fait déjà un peu longtemps, je rêve des fois que je suis très conscient dans les rêves même. Donc, je sais que je suis en train de rêver, donc je suis conscient de cet état. Oui. Et il y a des moments où on me poursuit dans les rêves, et c'est comme si j'ai la capacité de pouvoir survoler, de léviter. Non pas parce que je vole comme un oiseau, mais de léviter. Oui, je comprends. Hier, vraiment, j'avais eu très peur. Je me suis dit, je suis sorcier finalement. Parce que je suis très conscient de cet état. Alors, mon frère, c'est bon, je peux parler. Je ne comprends pas, en fait. Oui, la sœur Carole, ferme ton micro. Quand vous voulez poser la question, vous ouvrez le micro, parce que sinon, il y a interférence. Le frère Jobin, ouvre ton micro, parce qu'il veut parler avec toi. Tu n'es pas seul dans ce cas-là. Beaucoup de personnes rêvent ces types de rêves. Pour ton cas, des façons spécifiques. Oui. Sœur Carole, s'il te plaît, ferme ton micro. Voilà. Sœur Carole, ferme ton micro. Voilà, c'est bon, je crois. Ce style de rêve, effectivement, montre clairement que tu es en présence des sorciers, donc tu es exactement dans la sorcellerie. Ah, Seigneur. Parce que, il y a une... Je crois que pour ton cas, pendant que j'étais en train de délivrer ta soeur là, au Congo, là, j'ai parlé de cela, parce qu'il y a une grande maman dans la famille puissante. Ça, mais elle est décédée, puissante. Donc, elle a une enveloppe sur vous, sur plusieurs personnes touchées. Vous êtes touché là-dedans. Donc, c'est une femme qui avait une puissance terrible qui ramifie, dont la ramification a touché toute la famille. Une grand-maman puissante. Tu vois ça? Oui. Dans la même situation que tu vis, ce n'est pas toi. Tu n'es pas seul dans la même situation. Pendant qu'il priait sur elle, je l'ai dit. Et puis, il y a plusieurs autres personnes qui vivent la même situation. Oui. Donc en réalité, donc il te faut la délivrance. Oui. Après la délivrance, donc là maintenant tu n'as plus pour pouvoir voler. Sinon on va aller construire les ponts là-bas, le pont qui traverse la rivière Congo. Oui, effectivement, je rêve beaucoup, je traverse des rivières et parfois je suis incapable de traverser une petite rivière. Exactement. Donc quand je cours, je me tiens devant une rivière, je suis incapable de traverser finalement. Voilà. Donc, on va parler en off. Mardi, il faut que je prie avec toi, d'accord? Mardi, sois à jeûne, on va prier pour cela. D'accord. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre a la question? Ça va pour toi? Frère Junior, je voulais juste te dire quelque chose, quoi. Oui. Est-ce que ça signifie que quand on fait un rêve et que on se retrouve conscient dans le rêve, ça signifie en fait en quelque sorte qu'on est en présence des sorciers? Non, ce n'est pas le fait qu'il soit conscient du fait qu'il soit conscient dans le rêve. C'est-à-dire que tu peux rêver un rêve sachant dans le rêve que tu en es rêvé. C'est cette présence et cette puissance ici pour pouvoir se déplacer. Parce qu'il peut sauter à un endroit, ton pied ne touche pas le sol. Il voit comment il survole l'endroit comme ça. C'est ça dont il est question. On l'entraîne. Donc, ceci n'a pas commencé maintenant, c'est depuis l'enfance. Il avait un style de rêve, même il pouvait planer. Il est où même? Il se trouve là maintenant. Depuis l'enfance. Je suis là. Depuis l'enfance, ça c'est depuis l'enfance même. Planer. Et là, oui. Voilà. Donc c'est bon. On va prier. Ah. Écoutez donc très attentivement. Tous ceux qui ont les rêves, qui voient comment ils volent. Particulièrement quand tu as des obstacles. Tu parviens à voler là-dessus, il y a un problème. Parce que là, on a te donné des capacités, des puissances pour pouvoir dominer sur les épreuves toi seul. Or, quelqu'un qui rêve un rêve de Dieu, quand il y a un obstacle, le réflexe est Seigneur Jésus. Et on te transporte là-dessus. Ouais, la différence, n'est-ce pas? Donc, c'est Jésus qui nous vient en aide. Mais quand tu vois très bien que tu as des aptitudes extraordinaires dans les rêves, à t'en sortir toi seul, sans l'aide de quelqu'un, tu as des problèmes d'ordre spirituel. C'est terrible. Vous allez voir, vous allez voir que les chrétiens, quand je pense à intervenir, j'arrive là avec toi, mon frère Jean-Paul. Lorsque tu as des rêves, normalement, en tant que chrétien, tu vas voir que tu as les obstacles. Peut-être on t'appuie sur le lit, tu ne parviens pas à crier. À un moment donné, tu entends Jésus, même en petit limo comme ça, Jésus, on te lâche. Donc là, maintenant, ton aide vient du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu parviens à t'en sortir avec les sorciers, tu t'en sors d'une certaine façon. Ça, si tu t'en sors dans les rêves, par tes propres capacités, sans l'aide du Seigneur Jésus, ça montre que tu dépasses les sorciers là en sorcellerie. Voilà. Waouh. Voilà. Tu es, non, je suis plus sorcier que toi. Tu es trop fort, Robert. Tu es trop fort dans la sorcellerie. Où est le frère Jean-Paul? Jean-Paul, parle. Oui, je suis là. Oui, parle-nous. Bon, je voulais dire que, exactement, comme le frère venait de dire tout à l'heure pour son rêve là. Oui. Ça m'arrive deux fois et deux fois, je n'arrive pas à courir. Deux fois, je me retrouve plaqué quelque part, on m'arrête. Oui. Donc, t'as pas, tu es faible dans la sorcellerie alors? Je n'ai pas terminé. Oui, alors. Je n'ai pas terminé. Et il y a de cela une semaine, ça ne fait pas quand même longtemps, semaine environ. Oui. J'étais en train de dormir dans la journée. En bref, j'ai le mal de dos il y a de cela très longtemps. Donc, j'étais en train de dormir, je m'étais couvert, et pendant que je dormais, j'ai senti comme si c'est le serpent qui sortait sur mon dos. Voilà. Après le bruit, j'ai sursauté, je me suis réveillé. J'ai crié Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Depuis un certain temps, je ne sens plus les douleurs au niveau de ma colonne vertébrale. Voilà. Alors, je ne connais pas si c'est dû à ça ou c'est qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Ok, maintenant, je peux expliquer autre chose. Oui. Écoutez-moi très attentivement, mes chers frères. Écoutez-moi très attentivement une fois de plus par rapport à cet état. Il arrive que vous ayez les douleurs dans votre corps. Vous avez besoin de la guérison divine. Dieu vient lui-même. Je vais expliquer ça un de ces jours dans les enseignements. Les anges qui opèrent la guérison. Ils peuvent venir sous la forme d'un docteur, d'un médecin, te transporter et enlever des choses dans ton corps. Mais en mettant, très souvent, vous ne pourrez pas voir le nom de la personne, le visage de la personne. Mais il peut envoyer soit un pasteur, soit quelqu'un que vous connaissez, qui est de bien dans votre vie, pour résoudre ce problème-là. Mais au physique, dans le physique, vous n'allez plus sentir la chose. Parce que vous avez trop souffert. Dieu opère cela. Ça, c'est incommensurable, incompréhensible sur le plan humain. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui ont la guérison par le nom du Seigneur Jésus. Mais dans les rêves, il y a un frère qui vient d'accompagner. Là, s'il avait été là, je vais vous montrer. Un de ces jours, il a obtenu un emploi de la Banque mondiale. Il était ici tout à l'heure pendant que nous délivrions les gens ce matin. Subitement, il a commencé à avoir un sérieux mot de tête. C'est comme s'il y avait une cloche, un endroit dans sa tête où on frappait de temps en temps. Il entendait ces sons-là dans sa tête. Vous entendez, mes frères? Il a fait tout genre d'examen, rien. Oui. Il a pris tout genre de calmants, rien. Sa tête continue à faire ouon, ouon, ouon. Il est venu me voir, j'ai prié pour lui. J'ai dit que va dormir et laisse le Seigneur faire. Dans la nuit, il a dit qu'il a dormi, il a vu comment on a enlevé sa tête. On a déposé de côté. On a fendillé sa tête, il a vu ce qu'on a enlevé à l'intérieur. Le matin, c'était terminé. Aujourd'hui, depuis, il ne parle même plus de cela. Alléluia. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est Dieu qui fait ces choses-ci. Donc, c'est ton cas, frère Jean-Paul. Et lorsque tu cours, tu ne parles pas à courir, donc ça veut dire que même dans la sorcellerie, là, tu... Il faut demander au frère Jobin comment on vole, là. Non. Frère Jobin. Oui. De quoi je vole, même je plane, comme il a dit tout à l'heure, là. Donc, c'est comme les béviers, quand tu voles, tu laisses ta main comme ça passe seulement. Des fois, je plane même. Oui. Des fois, je n'arrive pas à courir jusqu'à ce qu'on vient. Des fois, je prends une route, je crois que je suis en train de courir et puis je me retrouve rattrapé. Demande au frère Jobin comment il fait souvent. Mon frère Junior, oui. Frère Junior, oui. Moi, quand ça m'arrive comme ça dans les rêves, oui. C'est qu'il faut, il suffit juste que je puisse penser dans ma tête. Oui. Quand je pense, ça se fait automatiquement, je l'évite. En fait, je ne vole pas comme un oiseau, comme un avion qui plane, mais je me déplace debout dans les rêves. Oui. Et je peux monter même à des altitudes très élevées. Oui, oui, oui. Non, mais tu connais la base de ta famille, d'où tu viens, n'est-ce pas, mon cher Jobin? Je ne connais pas. Moi, j'ai vécu avec ma mère. Ma mère a quitté mon père dès que j'étais né. Oui. Donc, moi, je ne connais pas particulièrement mon père. Je l'ai vu juste une seule fois. Je ne connais pas l'histoire de ma famille. Je ne connais pas ma famille. Je connais juste ma maman et sa famille. Donc, je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oui. Mais il y a une maison où tu as vécu pour longtemps. Qui te revient. Oui, effectivement. Ça c'est à la frontière du Cameroun. Voilà. C'est au nord du Congo, à la frontière du Cameroun. Donc, il y a quelque chose de bizarre qui t'est arrivé dans cette maison-là. Une présence t'a enveloppé. Je ne me souviens plus. Suis attentivement. Un vent t'a frappé sur toi. Ça, c'est quand tu es petit, vraiment petit. Un coup de vent t'a frappé anormalement dans un état, dans un endroit, dans une époque ou bien dans une température où normalement il n'y a pas de vent. Un coup de vent t'a tapé. Et tu as eu comme quelqu'un qui fait un souffle de soulagement comme ça. Mais le vent était entré en toi. Mon cher, tu as été initié, il te faut la délivrer. Il faut que ce coup de vent la sorte de toi. D'accord? Oui. Que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas, ton jour arrive. Il y a encore qui ici, là? Y a-t-il encore des questions? Oui, frère Trabi. Yeah. Une question. Oui. Je voulais comprendre quelle est la... Attends, mon frère. Frère Jobin, coupe ton micro. Ça dérange le frère. Non, frère Jobin, coupe son micro. Comme ça, tu vas parler, ça sera fluide. Voilà. Merci, frère Jobin. Oui, vas-y, mon frère. Voilà. Lorsque le Seigneur parle de la menace contre Israël, oui. En Ésaïe, chapitre 9, oui. Au verset 7, ils disent que le Seigneur envoie une parole contre Jacob. Il envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Oui. Je veux comprendre pourquoi c'est la même personne, mais pourquoi il commence par Jacob et puis il termine par Israël. C'est la même personne. Parce que la parole est esprit. Jacob est engendré selon la volonté de l'homme, selon la nature humaine. Israël est selon la parole de Dieu. Oui. D'accord, mon frère. Donc, il y a Jacob qui est la nature, le naturel. Israël qui est le spirituel. Tu vas voir cela dans Genèse 49, lorsqu'il va commencer à donner les bénédictions prophétiques, lorsqu'il va venir voir Jacob, Joseph pour pouvoir bénir. Tu vas voir la même terminologie là-bas. Quand il parle de Jacob en tant qu'Israël, c'est autre chose. D'accord? Je vais venir dans un autre enseignement par rapport aux bénédictions prophétiques sur Israël. Ok. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci. D'accord. Il va vraiment que tu travailles, que tu ne vois, non, mange pas seulement la tchéquée. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, c'est Carole voulait parler. Carole de Blalomène voulait parler. Non, je n'avais pas de question. Oui, la sœur Marie-France, pas de question, n'est-ce pas? Elle écoute dans l'entière soumission. Voilà. Bon, vous permettez qu'elle me tourne ici en assemblée si pour prendre des questions, s'il y en a. Que Dieu vous bénisse. Oui, amen. Des questions ici, frère. J'ai une question. Oui. Dans les mêmes... Non, même pas vous dire que les frères, la même question. Vous entendez sa question? La même question que le frère Jobin a posé. Bon, avant là, moi-même, je sentais que je m'envolais. Oui. Et je m'envolais aussi dans les rêves. Oui. Mais depuis un bon bout de temps, je ne m'envole plus. Je ne sais pas. Tu as quitté le groupe des sorcières. Bon, je ne sais pas. Parce qu'avant là, je m'envolais. Je sentais que je pouvais. Je m'envoyais jusqu'à les planètes dans les airs. J'étais même content parfois. Quand je planais dans les airs. Tu partais à quelle réunion, frère? Non, je ne sais pas. Mm-hmm. Bon, c'est toujours quand on me chassait que je planais. Mais depuis un bon bout de temps. Qui te chassait? c'est dans les rêves, quand il y avait un obstacle, oui, oui, directement, je pouvais m'envoler. Donc, levons-nous, on va prier contre ces choses. Je crois que c'est seulement les sorceries, c'est tout partout, non? Finalement. Levons-nous. Je crois que l'Esprit de Dieu veut que nous prions, nous nous dressons contre ces choses-là. Vous tous qui êtes là-bas, ferez-moi de vous tenir maintenant. Levons-nous. Malheureusement, cette semence de sorcellerie se trouve dans nos racines. Prenez le cas de Jobin. L'Obassi, maintenant, il parle de cela. Or, il n'a pas eu d'initiation physique avec sa famille, mais nous voilà en plein là-dedans. Donc, nous allons prier contre ce carreau de l'allemand. Assieds-toi tranquillement là-bas, parce que tu cherches Messie dehors. Ta part est déjà brisée. Assieds-toi, tu vois les autres prier. Nous allons prier. Écoutez très attentivement. Seigneur, toute semence, tout lien entre moi et les sorciers de ma famille, et toutes les générations que ce soit, que ce lien soit rompu maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'accord, frère? Amen. Comme ça que ces choses n'arrivent pas. Vous voyez, tu dis que tu es chrétien, tu voles dans les églises, tu es content. Tu ne sais pas où tu pars. Tu pars où? Notre expérience devrait être dans le troisième ciel. Vous avez suivi l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, chapitre 12, n'est-ce pas? Il connaît un homme, il y a cela 14 ans, fut ravi dans le ciel. Où tu te voles dans les églises, tu voles dans les églises, tu es content, tu pars où? Frère, c'est magnifique. Je vais vous expliquer certaines choses. C'est magnifique que vous soyez couché comme ça là. Vous soyez couché comme ça là. Et que l'Esprit de Dieu vous enlève. Vous vous retrouvez quelque part en train d'entendre un style de cantique là-bas. Il y a seulement certaines choses qu'il ne peut pas dire. Vous êtes là-bas, vous êtes conscient que vous êtes là-bas. Vous dites, comme. Bon, je connais un homme qui est allé comme ça, il a chanté. Juste qu'il a dit qu'il va rentrer écrit. En rentrant, il n'a pas pu écrire. C'est ça qu'on doit avoir. Vous m'entendez-vous? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tout lien entre moi et la semence, le lien de la sorcellerie dans ma famille, quel qu'en soit ce qu'il en est. Parce que nous tous, nous avons des troncs de sorcellerie, chacun pour sa part. D'autres sont liés aux esprits des eaux, d'autres sont liés aux forêts, d'autres sont liés aux hauts lieux, les crânes, d'autres sont liés à la montagne, d'autres, c'est terrible seulement. Donc, s'il y a n'importe quoi avec vous, les chrétiens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous dans le monde entier qui m'écoutez maintenant, prie, ouvre ta bouche et prie. Tout lien entre moi et la sorcellerie dans ma famille. Oui, que ça se coupe maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le nom de cette lumière-là. L'Esprit du Seigneur est disponible. Prie. Tout lien entre moi et les sorciers de ma famille, en quelques générations que ce soit, que ça soit coupé maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On doit être séparé de cette manière de vivre. On doit être séparé de tout cela. Tout cordon, tout lien qui me lie avec des générations passées, qui ont fait des pactes avec le diable, ça n'a rien à voir avec moi parce que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que le Saint-Esprit de Dieu a envie de s'adresser à quelqu'un maintenant dans le monde. Toi qui rêves constamment, étant au village, dans une source d'eau, avec la présence des esprits, avec la présence des morts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ces liens soient coupés maintenant. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout lien avec la famille, avec les rituels dans la famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande qu'il soit brisé maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça soit brisé. Que ça soit le lien de la maladie, des situations qui se répètent dans ta famille. En tant que chrétien, ça ne doit pas te toucher. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Que ce lien, je commande que ça soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu vous visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction déclarée dans ta famille qui a lié fait avoir avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne fais plus partie d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la provenance de ton père ou de ta mère, n'importe quelle source, que ça soit brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que ça soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la malédiction ou ce qui parcourait ta famille, toi qui m'écoutes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Je l'ai brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es marié, brise ça dans la vie de ton mari. Si tu es marié, brise ça dans la vie de ta femme. Comment, dans la vie de tes enfants, comment, que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Amen. Le fait que vous voyez les chrétiens subir ces genre de choses montre clairement qu'il y a un mal derrière. Donc ça ne doit pas être comme ça. D'accord? Vous devez avoir les songes divins. C'est ce que la Bible réclame pour le Nouveau Testament. Il dit qu'au dernier jour, je verserai mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Vos jeunes gens auront des songes. Et vos vieillards auront des visions. Donc il n'a pas dit qu'on va planer. Non. Non. Ce qui doit vous venir, ce sont des visions nocturnes pour éclairer l'Église, pour diriger l'humanité. Amen. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Voilà. Donc nous allons prier maintenant comme la Bible le dit, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Donc quel que soit l'endroit où le ténèbre avait pris dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, dans tes pensées, que le Seigneur éclaire mes ténèbres. Prie. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie. Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie. Descends au nom de Jésus-Christ. Éclaire ton esprit. Éclaire ton esprit. Éclaire les ténèbres. que le Seigneur éclaire tes ténèbres. Que le Seigneur éclaire tes ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Éclaire les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je veux que vous compreniez la direction que le Saint-Esprit a de nous diriger là maintenant. Écoutez très attentivement. Quand la Bible dit éclaire mes ténèbres, ça veut dire que il y a des gens qui peuvent être dans l'ombre, tapis dans l'ombre et en train de traiter dans ta vie sans que tu ne saches. Quand nous prions éclaire mes ténèbres, ça veut dire que partout où quelqu'un s'était caché dans l'ombre pour faire n'importe quoi, que Dieu mette cela en lumière. Amen. Partout s'il y a des choses cachées dans ta vie que toi-même tu ne connaissais pas, qui bloquaient ta vie, bloquaient ta relation avec le Seigneur, Hallelujah. Que ça soit mis en lumière. Amen. Écoutez-moi très attentivement. Dieu va effectivement mettre en lumière tout ce qui est caché dans nos vies. Amen. Prie, demande au Seigneur, Seigneur, quel qu'en soit l'endroit de ma vie qui est entré dans les ténèbres, éclaire-le au nom de Dieu, que ta lumière soit là-dedans. Prie. Diriger la personne. Tu rêves, tu te lèves, tu as oublié les songes. D'autres encore ne rêvent quasiment pas. Et les choses malencontreuses arrivent, ce n'est pas normal. Que Dieu éclaire tes songes. Prie. Que Dieu éclaire tes songes. Qu'il éclaire tes songes. Qu'il éclaire tes songes. Le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu, le sang de Dieu Que les clés te songent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes maintenant. Esprit de Dieu te commande maintenant. Que les clés te songent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes songes soient éclairés. Que tes songes soient éclairés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes songes soient éclairés. Que tes songes soient éclairés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous voyez donc les chrétiens, il y a la majorité des chrétiens continuent à expérimenter les couches. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu veut que nous prions avec tout cela donc qui s'ouvre de ces événements-ci. Les couches de nuit, les nourritures que tu manges, qui entrent dans ton système comme poison, le Seigneur veut que ça sorte. Écoutez maintenant cette voix. Écoutez cette voix qui parle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que tu as mangé comme poison, tous ces esprits qui viennent la nuit pour coucher avec toi, le Seigneur veut que ça s'arrête en tant que chrétien. Dis Seigneur, éclaire mes ténèbres et mes nuits. Qu'il éclaire, qu'il éclaire. Prie, prie, prie, prie. Éclaire mes ténèbres et mes nuits. Éclaire mes ténèbres et mes nuits. Éclaire mes ténèbres et mes nuits. Éclaire mes ténèbres et mes nuits. Que ton mari soit éclairé. Que désormais ta vie soit couverte. Que ma vie soit éclairée au nom de Jésus. Que ma vie soit éclairée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que tout poison que tu as mangé sorte de ton ventre au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La Sœur Marie-France, saisis-toi. Que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Ça se trouve sur toi, ça se trouve sur toi. Que ça sorte de ton ventre au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour commander à tous ces esprits de sortir de vous maintenant, vous qui m'écoutez, au nom de Jésus. Dans ton ventre, au nom de Jésus de Nazareth, sors! Au nom de Jésus de Nazareth, pour tout ce qui mangeait dans la nuit, mettez la main sur votre ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande maintenant que ça sorte, que ça sorte. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur toi, c'est sur toi. C'est sur toi, c'est sur toi. C'est sur toi. Vomis tous ces deux poisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Toi qui m'écoutes maintenant, tous les poisons nocturnes, tout ce que tu as mangé dans les reins, j'ordonne maintenant que ça sorte maintenant de tes ventes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je commande que ça sorte maintenant. Et toi qui avais le sang dans ton ventre qui dérangeait, vomis tout maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je commande. Je commande. Je commande au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Maintenant, permettez-moi de prier ici. L'esprit m'a dit de ce côté-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restez seulement en prière. En mettant la main sur vos bandes, vous tous par ici là. Vous avez la grâce de la voir ici directement. Je vais prier là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance. Non. Ta volonté, c'est pas ici là. Dans sa volonté, c'est pas ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute nourriture nocturne. Mangez maintenant dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que ça sorte. Toi qui m'écoutes maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant, écoute cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vomis tout ce qui est dans ton ventre que tu as mangé dans la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de leur système. Sors de leur système maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors ça ma chère. Sors ça au niveau de sa poitrine. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis tout. Je t'ordonne de sortir d'elle maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui expérimentez dans le monde entier, vous tous qui m'écoutez maintenant, écoutez cette voix. Vous tous qui expérimentez la couche de nuit, la puissance de Dieu maintenant te libère. Sors d'elle maintenant. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de son système. Vous tous qui expérimentez les couches de nuit, c'est à vous que je m'adresse maintenant, vous tous maintenant. Vous tous qui mangez dans la nuit, je t'ordonne maintenant, toi puissance ténébreuse qui travaille dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. C'est ton jour aujourd'hui. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute substance que tu as mangée, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je t'ordonne maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis tout. Je t'ordonne de sortir de son système. Au nom de Jésus de Nazareth. Demeurez dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est moi qui m'étire ici derrière là. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est dans ton ventre toujours. C'est toi. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors-le! Lâche son ventre! Toi, c'est derrière. Sors-le! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Oh mon Dieu! La puissance de Dieu est sur vous! Sors! Quitte son corps maintenant! Et toi qui avais la douleur dans le bas-ventre, mets-y la main, quel que soit le lieu que tu as la douleur, mets la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors d'elle maintenant, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Lâche-la. Vomis-moi tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Sors d'elle. Vomis tout maintenant. Sors de son système. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte le ventre de cet homme aussi. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se trouve en France et en Allemagne là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Tais-toi. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est toi. Porte ça seulement. Porte. Au nom de Jésus de Nazareth. Il doit la quitter. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets la main. Hey! Lâche-la. Tossez-la là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis-moi tout ce qui est dans ton système. Hey! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis elle là. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! La même chose qui est là-bas, c'est elle. Sors de son système. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça se trouve sur toi, ma chère. Ça se trouve sur toi. Mon cher, ça se trouve sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à ces choses-là de sortir de ton système. Comme sur toi également ici. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, tu ne dois plus habiter son corps. Sors d'elle, lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sors de son système, sors. Sors dans tout son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, madame, c'est de ça dont je parlais, que j'ai quelque chose sur le cœur pour toi. Voilà ça maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous en Allemagne, là, vous faites, mets-moi la main sur ton épouse, mets-moi la main sur la poitrine de ton épouse là. Jean-Paul, mets-moi la main sur le. Voilà, c'est bon. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-la. Hey, lève-toi. Oh mon Dieu, lève-la. Mets la main sur sa poitrine. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth, sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis avec ceux des États-Unis maintenant. Vous êtes prêts là-bas maintenant? Oui, ma soeur des États-Unis, mets la main maintenant sur ta poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton corps, qu'il te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette voix qui parle maintenant. Que ça te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, quitte son système. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Satan, tu libères le corps des enfants du Seigneur. Tu libères le corps. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que vous mangez dans les ténèbres, je les commande de sortir. Vous allez avoir les songes de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de toi, viens ici. Tiens-toi là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre maintenant. Sors. Sors. Guéris cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute puissance qui te touchait la nuit, maintenant de quitter sa vie. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur vous là maintenant. Sors. La Bible déclare que là où il y a là, l'Esprit du Seigneur est la liberté. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main sur son ventre ici. Mets la main là-bas. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez qu'il fasse la version de l'extérieur là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui agissait dans ton corps. Et quoi que c'est le jour que le Seigneur a ordonné aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche-moi le pardon de son nombril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche cette fille. Lâche-la. Lâche cette fille. Sors. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande vous tous qui écoutez cette voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute cette puissance qui bloquait vos rêves, toute cette puissance qui bloquait vos activités, c'est son jour aujourd'hui pour quitter vos vies. Quel que soit ce qu'il a bloqué, et votre ventre, et la stérilité que ça a causé, n'importe quoi que ça a causé, écoutez bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je la commande de quitter votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui avez mal, quel qu'en soit là où vous avez mal, mettez juste la main. Et observez le Seigneur faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors du peuple de Dieu, Satan. Maintenant. Lâche les corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche les corps. Quitte ces corps maintenant. Au nom de Dieu, je t'ordonne. Sors. Mets la main sur sa poitrine là. Sors. Quitte la ville cette femme. Je recommence encore une fois cette fois. Sors. Vomis-moi tout. Tout. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Vomis tout tes poisons, toutes tes substances. Vomis tout ça. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis tout, tout. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Madame Tra, passe ici devant. Passe ici devant. Passe devant ton mari et tiens-toi ici. Ne me fuis pas là maintenant. Mets la main sur ton ventre. Le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sont à toi. Père, sont à toi. Sors! Sors, vomis tout, toi, vomis tout, vomis tout, vomis tout. Vomis tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Sors! Aux États-Unis, ce qui est dans ta poitrine doit quitter. Sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Vomis tout, tout, tout, tout, tout, tout. Tout, tout, tout, tout. Tout! Vomis, vomis, vomis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Je t'ordonne, toi, puissance maléfique qui dérangeait les enfants du Seigneur, je t'ordonne de sortir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où vous écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Vomis, vomis, vomis tout ça. Sors, sors, sors, sors, sors. Aux États-Unis, où est ton mari qui se tient à côté de toi? Sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors. Où est-ce qu'il va celui-là? Sors, sors, sors, sors. En Belgique, sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, elles sont à toi. Le Seigneur veut délivrer ceux qui expérimentent les couches de nuit, les nourritures nocturnes. Tous ceux-là qui ont des blocages dans leur ventre causés par ces esprits terribles. Vous tous qui êtes volés de vos rêves, vos révélations seront claires maintenant. Écoutez bien cette voix. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Vomis tout, vomis tout. En Allemagne, vomis tout. Tout, tout, tout, tout, tout, tout. En France, là, sors! Sors! Vomis, vomis, vomis. Sors cela. Tous les poisons, tous les poisons, tous les poisons, tous les poisons. Je te commande de sortir de son système. Je te commande de sortir de son système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Belgique, que le Seigneur te touche maintenant, toi, cette femme debout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même Seigneur qui agit chez vous respectivement agit ici maintenant. Toi ici, ici, sors! Sors! Tourne là, tourne là comme ça, tourne là, tourne là. Tourne là, tourne là. Tourne là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Ouais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, là, là, là, là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Allemagne, c'est pas terminé. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Vous ne savez pas ce qui se trouve respectivement dans vos maisons maintenant. Cette voix qui vient dans votre maison, vous ne pouvez pas rester tranquille. C'est terminé maintenant pour toute puissance des ténèbres qui agissait chez vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors en Belgique, hey, arrête là, arrête là, arrête là. Hey, arrête là, arrête là, lève-la, lève-la, lève-la. Lève-la, tiens-la, tiens-la debout, voilà, lève-la, lève-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, hey, hey, hey, sors d'elle. Sors d'elle, écoutez cette voix, vous esprit malin. Sors d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Maintiens-la debout, maintiens-la debout. Elle se fasse pas mal. Ces choses à cette durée. Sors! Sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors. Sors d'elle! Sors de cette femme. Elle ne t'appartient pas. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Maintiens-la, maintiens-la, mon cher, maintiens-la. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main puissante. Sors. Mettez-la debout. Il faut qu'on chicote cela. Sors. Qui es-tu? Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus, écoutez cette voix qui parle. Sors d'elle. Au nom de Jésus, en Belgique. C'est sur toi. Lâche-la. Au nom de Jésus. Hey, sors. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Où est la Belgique? Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. Écoutez cette voix. Sors d'elle maintenant. Sors. Lâche cette soeur. Lâche-la. Je te commande au nom de Jésus. Lâche-la. Quitte sa vie, c'est son jour aujourd'hui. Quitte-la. Quitte-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre. J'espère que tu as prévu quelque chose pour qu'elle vomisse dedans. De toute façon, si elle salit votre maison, c'est votre problème. Sors d'elle. Hey! Sors de son ventre. Sors. Satan, tu vas libérer tous les enfants de Dieu où cette voix est écoutée. Je t'ordonne maintenant. Quitte les enfants du Seigneur. Quitte-les. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Vomis tout ça. Au nom de Jésus, Nazareth. Sors de son système. Sors de son ventre. Vomis. Qui es-tu? Toi, c'est qui? Sors. Lâche son ventre. En Belgique maintenant. Sors, c'est en Belgique, ça se trouve maintenant. Tous ceux de Belgique, vous qui m'attendez maintenant en Belgique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre. Vomis toutes tes substances. Au Maroc, mets-moi la main sur ta tête, les deux mains sur ta tête. Et laisse le vent qui est au-dessus de toi détruire cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Belgique. Vous tous du côté de la Belgique, vous qui me recevez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute substance dans ta vie, dans ton sang qui était dans ton système qui était bloqué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande. Sors. Écoutez cette voix. Écoutez qui parle cette voix. Sors! Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Sors d'être en Allemagne. Sors. Vous tous du côté de mal Allemagne, vous m'écoutez maintenant. Si vous écoutez cette voix, si ça tombe dans vos oreilles, c'est adressé à toute ténèbre de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-le maintenant, lâche-la. En Belgique, écoutez. Sors. Au nom de Jésus. Mon cher, mets-moi la main droite sur la tête de ta femme. Là. Mets la main droite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main droite sur ta tête maintenant. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Dans ton ventre. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, au nom de Jésus de Nazareth. Ma soeur Marie en France, du côté de la France, assieds-toi, que Dieu te bénisse. Cette présence va t'acquitter. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis au Maroc, je suis aux États-Unis, je suis là en Allemagne. En Allemagne maintenant, tapote-moi la poitrine. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. En Belgique maintenant. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Toute douleur. Au nom de Jésus. Tout blocage dans la vie de ma soeur, dans ma vie, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant la destruction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aux États-Unis, cette vent-là se trouve chez vous. Ça se trouve chez vous. Aux États-Unis, cette vent se trouve dans votre maison maintenant. Ça se trouve chez vous là maintenant. Vous, aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se trouve chez vous là maintenant. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance qui perturbe la nuit de mes frères et de mes soeurs, je te commande du côté des États-Unis de lâcher la vie maintenant. Lâche la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche ma soeur maintenant. Lâche ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère en Belgique, laisse-la. Reste seulement derrière elle. Laisse-moi. Lâche-la. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'a pas quitté votre chambre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, ta femme n'a pas se ferme à mon frère, c'est ton joyau, c'est ta fleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps. Libère sa vie. Quitte son corps. Oui, tu dormais avec elle depuis, tu ne voulais pas la libérer, non? Lâche-la maintenant, lâche-la. Maintenant. Hey. Sors aux États-Unis, ça se trouve sur toi, ma soeur, ça se trouve sur toi. Aux États-Unis, ça se trouve sur toi, ça t'a touché. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se trouve sur toi, ma soeur. Ça se trouve sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, aux États-Unis, du côté de Maryland, là. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu. Sors. Maintenant, en Belgique, c'est ta fin. Quitte-la maintenant. Quitte-la maintenant. C'est ta fin. C'est ta fin. On n'entendra plus parler de toi dans sa vie. Allez, c'est terminé. Au sol. Hey, lâche-la. Tu vas l'arrêter comme ça, comme ça reste au lit. Lâche-la, ne t'inquiète pas. Elle ne doit pas se faire mal, d'accord? Terminé. Maintenant, on est où maintenant? Aux États-Unis maintenant, aux États-Unis. Aux États-Unis. Hey! Hey! Aux États-Unis, ça se trouve sur toi. Ça se trouve sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se trouve sur toi, ma soeur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Dans tout ton corps, tu connais. Ta présence est sur toi. Sa présence est sur toi. Oui, qui te touche. Oui, oui, oui, oui. Sur toi, sur toi. Oui, maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, soutiens-la, soutiens-la, soutiens-la, soutiens ta femme. Soutiens ta femme. Aux États-Unis, oui, oui, soutiens-la, soutiens-la. C'est surtout sur elle. Maintenant, maintenant, maintenant. Hey, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, elle va adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, doucement, doucement, doucement vers elle. Doucement, elle est précieuse pour le Seigneur. Elle est précieuse pour le Seigneur. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Laisse-la, laisse-la, elle est sous son onction. Laisse-la. Laisse-la, doucement, doucement, doucement. Elle est sous son contrôle, sous son contrôle. Suivez-la seulement, suivez-la qu'elle ne se fasse pas mal. Suivez-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre-moi ton micro, mon frère. Ouvre-moi ton micro des États-Unis. Ouvre-moi ton micro. Ouvre-moi ton micro. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est sur toi, c'est sur toi. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte sa poitrine. Tu ne pleuras plus aucune des révélations que le Seigneur lui donne. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est sur toi. Sors. Sors. Sors maintenant, sors, sors, sors, sors, sors, lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la, quitte, quitte, quitte, quitte, quitte, aïe, aïe, lâche-la, au nom de Jésus, il va te lâcher maintenant, il va te lâcher, il va te lâcher, mon frère, laisse-la, laisse, laisse-la, laisse-la, au nom de Jésus, tends-moi les bras, tends-moi les bras, tends-moi les bras, tends-moi les bras, aïe, tata, aïe, aïe, quitte son bras, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte ton bras maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant, c'est sur toi. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors. Sors. Sors. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En Allemagne maintenant, en Allemagne maintenant. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. En Allemagne maintenant. En Allemagne maintenant. Je crois que Dieu veut qu'on prie seulement pour que ces choses quittent les enfants de Dieu. C'est quoi, c'est sa volonté maintenant? Toi, quitte-la maintenant, quitte-la, quitte-la, quitte-la, quitte-la, quitte-la, quitte-la maintenant, quitte-la, quitte-la maintenant, quitte-la, quitte-la, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, mon frère des États-Unis, il a fait bisous à ta femme et Dieu lui dit que tu lui dis merci au Seigneur là-bas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ouvrez Amen. Seulement votre micro, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis de quelque part. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous sommes, Amen. Nous sommes de quelque côté maintenant. Nous sommes du côté de l'Allemagne. Amen. C'est l'Allemagne maintenant et le Maroc. Et le Maroc. Et le Maroc. Je crois que ça se peut me dormir. Donc je m'occupe d'abord de vous. En Allemagne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, enlève la main sur sa poitrine, tu mets sur sa tête. C'est ta femme, ne t'inquiète pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Jobel, tends-moi la main, tends-moi la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui règne dans ta vie. Je commande maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette présence te guide maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets cette main-là maintenant sur ta tête. Mets cette main sur ta tête qui l'a touché. Mets ça sur ta tête. En allemand, je suis avec toi. Sors! Sors! En allemand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Lâche tes enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ordonne à toute puissance des ténèbres qui manipulait la vie maintenant de les lâcher maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Porter sur la vie des enfants de Dieu et qu'il les tenait captifs dans quelque domaine que ce soit. Maintenant, c'est ta frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Tu ne manipuleras plus les rêves. Tu ne manipuleras plus les rêves. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Allemagne et au Maroc là, ça se trouve là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Belgique, Madame Trabi, lève-toi, tu es libre, tu es libre. Lève-toi. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Elle est fatiguée. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À côté de la Belgique, viens t'asseoir à côté de ton mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Allemagne, la femme qui est debout en Allemagne, au nom de Jésus-Christ, c'est sur toi. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, vous tous qui m'écoutez dans le monde entier, écoutez très attentivement. L'heure où on doit être nettoyé de toute puissance des ténèbres est arrivée. On ne doit plus collaborer avec les esprits des ténèbres. En aucun cas, quel que soit ce que vous expérimentiez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça doit s'arrêter dans votre vie. Vous devez servir le Seigneur dans un esprit nouveau. Que le Seigneur vous accorde les vis des songes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Allemagne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous touche maintenant. Joben, mets-moi la main sur ta tête, c'est ta présence, la présence est sur toi. Quitte-la maintenant. Quitte-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte. Sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de lui. Quitte-le maintenant. Quitte-le. Quitte la vie de ce garçon. Je t'ordonne de le lâcher. Lâche-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Sors de lui. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur, mon frère. C'est pas contre toi que j'ai pas contre toi. C'est contre lui. Contre celle-là qui est derrière toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au Maroc maintenant. Au Maroc. Ça se trouve chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez écrire à cette fille qui est en train d'appeler là à 9 qu'elle n'appelle plus. Qu'est-ce que ça arrête? Sors, je suis au Maroc maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Maroc, ça se trouve chez toi. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Maroc. Sors de lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sors de lui. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Jean-Paul, chez vous, ça va. Que Dieu vous bénisse. Je suis au Maroc. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Au Maroc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Maroc. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche-moi ici. Oui, là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de lui. Non. Frère Jobin, laisse-la tranquille. Tu ne peux pas parce que tu es en cage. Laisse-moi prier pour toi. Laisse seulement cette présence sur toi. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-le maintenant. Quitte-le. Tu ne manipules plus sa vie. Quitte-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton oppression est brisée de dessus sa vie au nom de Jésus. Ton oppression est brisée. Du côté des États-Unis, ça va vous deux? Mon frère et ma soeur, ça va? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur vous aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du côté du Maroc, maintenant je suis avec le Marocain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Carole de l'Allemagne, bien d'accord? Ça te fait souvenir quelque chose? Que Dieu te bénisse. Tu vois comment le Seigneur aime tes frères, n'est-ce pas, et tes soeurs? Oui, effectivement. Frère Trabi, fais un bisou sur le front de ta femme, comme tu l'as soutenu quand il tombe pas tout à l'heure. Fais le bisou. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du côté de... Ma soeur, du côté de l'Allemagne maintenant, avec son mari Jean, ça va, n'est-ce pas? Ça va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de quel côté? Sœur Marie-France, ça va? Impeccable. Gloire au Seigneur. Tu as compris pourquoi il te disait que j'ai quelque chose de la part du Seigneur à te donner, n'est-ce pas? Oui. Voilà, tu l'as reçu, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Amen. Pour me demander si ça va bien. Ouais, ça va bien chez vous, Carole, la soeur José Carole. Je vois les merveilles du Seigneur. Rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait à ses enfants. Amen. Amen. Amen. Toute votre attention, toute votre attention du côté du Maroc maintenant. Il faut qu'on découvre avec cette femme. Toute votre attention du côté du Maroc. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que cette présence-là, ça entre principalement à partir du toit, au-dessus de lui. Ça traverse les chambres là-haut et ça entre. Ça le presse là-bas. N'importe où tu es, mon cher ami, tu es localisé. Même si tu pars avec la tombe de Jean-Paul II, tu es localisé. N'importe où tu es localisé. Effectivement, tant que je suis là, je suis en train de voir une personne du côté gauche. Je vois constamment cette personne, elle ne quitte jamais. Voilà. Ne t'inquiète pas, c'est le moment maintenant d'en découdre avec elle, d'accord? Cette voix qui parle maintenant chez toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Sors, Carole, Carole, José, ferme ton micro, ferme ton micro. Sors! Sors! Sors! Au nom de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Nous sommes au Maroc. Toute notre attention au Maroc. Maintenant, au Maroc. Ce frère a souffert. Ça, c'est depuis 7 ans. 7 ans. L'âge de 7 ans. C'est que cette opposition-là est là. En réalité, ce que je ne lui ai pas dit, c'est que c'est une puissance démoniaque qu'on transmet de génération en génération. Il est le projet à hériter cela et à distribuer aux générations futures. Maintenant, il est entré dans le camp de Jésus. C'est pour ça qu'il y a cette oppression-là. Mon cher Jomel, tu acceptes hériter cette puissance-là? Non, je ne veux pas. Même dans les songes, même dans les songes, on t'a proposé ça. Ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute puissance autour de toi, au-dessus de ta tête, de quitter ce lieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de sa présence maintenant. Sors de sa présence. Quitte cette présence. Quitte-le maintenant. Quitte-le, quitte-le, quitte-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le maintenant. Frère Jomel, tu vas entendre un vent de ton côté gauche, de ton oreille gauche. Tu vas entendre un vent. Sache, tu vas savoir de quoi il est question, d'accord? Dès que tu entends ça, tu me dis. Un vent de ton côté gauche. Ça circule de son côté, ton côté gauche, ton côté gauche. Ton côté gauche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute. Sors! Seigneur puissant de Jésus. Venons puissant de chez vous. Venons puissant de chez vous. Venons puissant de Jésus. Venons puissant de Jésus. Venons puissant de Jésus. Venons puissant de Jésus. Venons puissant de Jésus. Nom de Jésus Christ de Nazareth. Nom de Jésus Christ de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus Christ. Nom de Jésus Christ. C'est pas terminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la maintenant. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne viens plus dans ces nuits. Car il a rompu tout pacte avec toi, par l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a plus rien à voir avec toi. Enlève la main, mon frère, enlève la main. Ne t'inquiète pas. Cette présence est toujours dans ta chambre. Cette présence puissante qui se trouve ici, là maintenant, se trouve chez toi également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance opère, que ta puissance opère, que ta puissance nous délivre, que ta puissance nous délivre, et au nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus, au puissant de Jésus, que ta puissance nous que ta puissance nous touche. Oh Maroc, c'est sur toi, ça parcourt tout ton corps, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, délivre, Seigneur, délivre, nettoyer, au nom puissant de Jésus, délivre, nettoyer, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, Père, que ton nom soit glorifié, Papa. Au nom puissant de Yeshua. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère Jobin, tu peux ressentir ce que moi je ressens ici? Ce que je ressens souvent quand je prie, c'est comme s'il y a quelque chose qui parcourt ma tête, comme un vent, comme quelque chose qui, comme des fourmis. Donc, comme d'habitude, quoi. Oui. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Amen. Il est écrit que quiconque invoque ce nom-là sera sauvé. Oui. Amen. Regarde-moi, Jobin, regarde-moi. Fais comme moi. Merci, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tous là, comme les militaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Jobin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nous soyons délivrés. Seigneur, tu nous remplaces les jeunes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, touche nos frères, touche nos soeurs, touche nos seigneurs. Délivre-nous de toute puissance. Guéris-nous de toutes choses. Père, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom en ce moment. Que ton nom soit glorifié éternel des années. Que ton nom soit exalté, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton miracle que tu as opéré parmi nous. Seigneur, que ça se paie partout, là où mes frères et soeurs se tiennent de nous. Seigneur, que ta puissance tombe sur chacun de nous. Que nous soyons totalement délivrés. Que nous soyons totalement délivrés. Au nom de Jésus. Père, que ton nom soit glorifié. Au Seigneur Jésus, toi qui es partout en même temps. Seigneur, touche-nous tes enfants. Délivre-nous. Délivre-nous. Les choses dans nos vies, Seigneur. Enlève les choses impures. Toi qui es la lumière, Seigneur. Rentre, Seigneur. Illumine nos vies, Seigneur. Non, les choses de Nazareth. Nous les filles pour ton nom. Nos corps sont tes temples, Jésus. Nos corps sont tes temples, Jésus. Chasse, Seigneur. Chasse tout, Seigneur. Chasse tout, Seigneur. Chasse tout, Seigneur. Nous, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, merci Jésus. Frère, je vais t'enlever ta main. Sois élevé, Seigneur. Viens t'asseoir. Merci Seigneur. Viens t'asseoir et tu nous parles maintenant. T'entends pas bien, Frère Junior. Viens t'asseoir et tu nous parles maintenant. Jésus, merci Seigneur. J'entends pas. Assieds-toi maintenant. On va le faire maintenant. Ma soeur Carole, veille fermer ton micro. Puisque vous qui avez les enfants, veillez fermer vos micros pour ne pas avoir ce désagrément. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa présence ne vous quitte pas. Qu'il soit constamment à votre droite afin que vous ne chancelerez point. Peuple de Dieu, vous vous sentez bien? Oui. Oui. Que sa grâce demeure sur vous. Amen. Qu'il vous accorde les songes maintenant qui viennent de lui directement et que rien ne vient bloquer cela. Amen. Seigneur, bonsoir. Et que vous soyez bien utile pour l'Église. Amen. Amen. Il y a une personne là que Satan a utilisé une technique pour l'éliminer. C'est une femme. Je ne trouve pas. J'ai l'impression qu'il y avait une femme parmi nous qui est quittée d'une certaine façon. Là, le diable a utilisé un truc, le matériel. Ça, c'est le matériel pour l'envoyer quelque part. Donc, un programme l'a éliminé. Pourtant, elle a les choses à vous vendre. Elle se trouve où là maintenant? Elle se trouve où? Permettez-moi de la voir. C'est la Christiane qui s'est déconnectée en fait. Oui. Mais qui est où? Elle est où là? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce abonde à votre vie. Vous permettez que je prie pour les membres d'ici? Amen. Amen. Vous vous reposez, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vais parler avec qui? C'est qui d'abord? Saint-Marie-France. Voilà, Saint-Marie-France. Après, c'est qui? Ouais, Daoudou. Voilà, alors, après, c'est le frère Daoudou. Après, encore qui? Carole. Après, c'est Carole, d'Allemagne. Bon. Donc, les autres partent se reposer, alors. Nous sommes là, nous attendons tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, à tout à l'heure, je vous raconte le temps de prier pour les frères ici, d'accord? J'ai retenu l'ordre. C'est la sœur Marie-France, le frère des États-Unis, la sœur Carole en troisième lieu, et en quatrième, cinquième, sixième, septième lieu, ça vient en désordre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Oui, à tout à l'heure, tout à l'heure. Remerciez juste le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Merci Seigneur, prends donc à la poche. Priez trop. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.